Cours numéro 5. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, as-salatu was-salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Qala al-allama al-shaykh Hamoud al-Tawajiri rahmatullah alayhi, al-ayatu al-thamina. On est toujours dans la lecture de cette risala fi al-wala wal-bara tuhfatu al-ikhwan bima ja'a fi al-muwalati wal-mu'adati wal-hub wal-bughd wal-hujran. Et on est arrivé au huitième verset. Là, la première partie du livre, Cheikh Hamoud, rahmatullah alayhi, il a cité des versets sur l'interdiction de prendre pour alliés les koufa. Et on a détaillé, wallahi alhamd, dans les premiers doros, des points importants sur ce sujet. Ay mu'alatu al-kufa. Qala al-ayatu al-thamina qawluhu ta'ala ya ayyuha alladhina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu al-kufra 'ala al-iman wa man yatawallahum minkum fa ulaika humu adh-dhalimun. Hadha amrun min Allah ta'ala bi musaramati a'da'ihi walau kanu aqraba qarib kal-aba' wal-abna' wal-ikhwan wal-'ashira. وفي النص على الأقارب دليل على أن مصارمة من سواهم من الكفار مطلوب أو مطلوبة بطريق الأولى والأحرى. في هذا الدليل في هذا هذه الآية الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا. C'est un خطاب pour جميع المؤمنين. Tout le monde est concerné. Chaque مسلم est concerné. لا تتخذوا. C'est un nahi, une interdiction de faire ma'ala. La tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbu al-kufra 'ala al-iman. Et في هذه الآية كما قال الشيخ حمود ولو كانوا أقرب قريب. Même s'ils sont proches. Vous avez remarqué que Allah subhanahu wa ta'ala il a cité les pères et les frères. C'est les personnes les plus proches pour le musulman. Ton père, ton frère, كذلك ta mère, ta sœur. هؤلاء c'est les plus proches. هؤلاء إن استحبوا الكفر على الإيمان فلا يجوز de les prendre comme alliés. Ça implique ماذا؟ Si on ne les prend pas comme alliés, on doit les détester في الله سبحانه وتعالى. Et ne pas oublier que malgré qu'il y a cette qaraba, ce lien père-fils ou frère et frère, ça reste des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala il déteste jami' al-kafirin. Falihada qal wa man yatawallahum minkum fa ulaika humu adh-dhalimun. C'est de l'injustice de prendre ha'ula comme allié. Si tu as compris hada fil aqarib, comme le père, le frère, fa que dire de celui qui n'est pas qarib? Fahada qawluhu rahimahullah wa man siwahum min al-kuffar matlubatun بطريقة الأولى والأحرى. أي سيف بابارتي دان بروش فلا شك أن on doit le détester في الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن يبقى cette قرابة malgré ce lien de sang, le père, le frère il a agri ou le fils. Si c'est un كافر بالله عز وجل ça doit pas empêcher de le détester في الله سبحانه وتعالى. العلماء هنا يذكرون des autres versets qui montre comment se comporter avec les proches si c'est des koufars. Il cite comme verset ma ja'a fi surat Luqman. Et on va lire kalam Cheikh Sa'di rahimahullah il est mufid. Et nasina de rapporter le kalam de l'imam Shanqiti rahimahullah fi daf'u al-ittirab. Naam, daf'u al-ittirab, c'est un kitab muhim. Une risala très courte. Et il démontre les versets en apparence qui se contredisent et il montre al-jam. Et il a cité il y a des versets qui disent que même si c'est des proches on doit pas les prendre comme alliés, donc on doit les détester il a akhiré. Et d'autres versets qui montrent on doit avoir un bon comportement il a akhiré. Et il a cité al-jam qu'on lira inshallah dans le prochain dars. Il y en a aujourd'hui on a oublié al-kitab. أو نوبليه دو رابورتي المسألة وإلا الكتاب فأنا ما عندي. قال الشيخ سعدي رحمه الله عند قول الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذه الآية سيسور لبارون. فلهذا قال on aurait pu citer le verset avant ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ما ليس لك به علم. فعند هذه الآية الشيخ سعدي قال قوله ولوالديك بالإحسان إليهم بالقول اللين والكلام اللطيف والفعل الجميل والتواضع لهما وإكرامهما وإجلالهما والقيام إلى آخره واجتناب الإساءة إليهما إلى آخره. قال فوصيناه بهذه الوصية. الإنسان il doit prendre soin de ses parents. وصينا الإنسان بوالدي حملته أمه وهنا على وهن. Ils ont un حق عظيم خاصة la mère أكثر أنها c'est elle qui a porté cet enfant وكم تعبت pendant la grossesse et pendant l'accouchement ثم l'éducation. فلا شك أن الأم على حق عظيم et le père كذلك. ثم قال وإن جاهدك. Ça fait sortir, il y en a le début, le premier verset, وَصَيْنَ الْإِنسَانِ بِوَالِدَيْهِ, ça englobe les parents, que ce soit des musulmans ou des kuffars. لكن الله سبحانه وتعالى, le verset suivant, il a précisé un cas, il y en a si ses parents, ils font tout pour que cet enfant, il fasse du shirk, ou il délaisse l'islam, ou il les suit dans leur ignorance, dans leur mécréance. فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ وَإِنْ جَاهَدَكَ أَيْ اِشْتَهَدَ اشتهد والدك والدك اي si tes parents ils font des efforts على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. Dans هذا الحال ne leur obéis pas. لماذا؟ لانهم c'est des kafra, c'est des mécréants qui appellent à la mécréance. قال ولا تظن هذا داخل في الاحسان اليهما لان حق الله مقدم على حق كل احد. اي ne pense pas que leur obéir في هذا الحال ça fait partie de l'obéissance aux parents. ابدا. Le obéir de Fiyad al-Hal, c'est de la mécréance. Celui qui le obéit, qui fait du shirk. Le haq d'Allah subhanahu wa ta'ala, il passe avant. Aïe, at-tawhid. Ne pas faire de shirk. Qala, wa la ta'a li makhlouq fi ma'asiyati al-khaliq. Il a rapporté le hadith du prophète Isa al-Salam. On n'a pas le droit d'obéir à une créature en désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, fa la tuti'huma aïe bi shirk. Wa amma birrahuma fa stamir alayh. ولهذا قال وصاحبهما في الدنيا معروفا. Et هذا c'est important. Comment faire le jam' entre ce verset et هذا? أن المصاحبة بالمعروف ça contredit pas le fait de les détester à cause de leur mécréance. Enfin, celui qui a des proches kuffars, il les détestera لأنهم c'est des kuffars. Il les détestera لأنهم ils ont pas accepté l'islam, أنهم ils désobéissent à Allah عز وجل إلى آخره. Et مع هذا يصاحبهما si c'est ses parents ou si c'est son frère, yusahibuhu bil ma'ruf, ay de la meilleure façon. Ça veut dire quoi hada? Qala wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa ay suhbat ihsan ilayhima bil ma'ruf wa amma ittiba'uhuma wa huma bi halat al kufr wal ma'asi fala tattabi'hum. Fi hada al hal ne les suis pas. Et fais attention. Fais attention kam min ha'ula al aba yuharibuna waladahum ou bintahum 'iyadan billah limadha li'annahum iddatast al islam. Et le prochain dars, inshallah, on lira min kalam al-imam al-shankriti rahimahullah. Il a démontré anna ça se contredit pas. Le kalam qu'on avait lu de al-hafid ibn Hajar rahimahullah, anna le fait de prendre soin d'eux, de leur rendre visite, de les accompagner s'ils ont besoin d'être accompagnés, de leur acheter une chose, il a arrêté de rester avec eux, de parler avec eux, d'avoir un bon comportement, ça contredit en rien tous les versets qui montrent qu'on doit pas les prendre comme alliés, donc qu'on doit les détester. Enfin, ça contredit en rien. Et je mets Ahlul Ilm, ils sont à la hada. Et ça nous montre أن من أعظم أسباب الانحراف, c'est le fait de mélanger, de ne pas connaître les différences. الإمام القرافي رحمه الله من أئمة المالكية إلى أن كتاب نافع الفروق. Ils l'ont imprimé en 4 مجلد. Et ils citent الفروق, les différences entre les choses. C'est un kitab نافع لماذا؟ لأن كثيرا من الناس ils se sont égarés ou ils comprennent pas les choses لأنهم ils mélangent. مثلا cette مسألة, بعض الناس ils disent mais pourquoi tu dis qu'il faut détester les kuffars, pourquoi? أولا on leur répond لأن الله عز وجل أمرنا بذلك كما سيأتي معنا إن شاء الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. Et le prophète صلى الله عليه وسلم لعنهم. On a beaucoup de versets, le verset sur Ibrahim, وَبَدَى بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَوَةُ وَالْبَغْضَى. Et entre nous et vous, al-adawa, l'animosité, wal-baghdha, et la haine, entre nous et les kuffars. Donc on n'a pas inventé. Wa'adhum, ils vont dire tamam. Lakin, et les autres versets? Anna al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il a rendu visite à un juif malade. Le hadith est le sahih. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ordonné de prendre soin du voisin. Ça englobe les kuffars, sahih. Et de ne pas lui faire du mal, il a akhiré. Un Allah azza wa jal qal wa sahibuhuma fi dunya ma'roufa. Même si c'est des kuffars. Pourtant, ils appellent à faire du shirk. Ha'oula, ils n'ont pas compris une différence fondamentale. Que l'imam al-Qarafi, rahimahullah, il a cité dans son livre. Que je n'ai pas apporté. La mas'ala est assez longue, laquelle on peut le résumer. Il a cité min al-furuq. Oui, il cite les furuqs entre telle chose et telle chose, que ce soit dans l'aqidah, dans le fiqh, dans le mariage, dans le commerce, dans tous les sujets. C'est un kitab nafis, jiddan. Al-furuq lil-qarafi rahimahullah. Et parmi al-furuq, les différences, il a cité sept différences. Et le fait d'avoir un bon comportement envers al-dhimmi, oui, il a cité l'exemple de al-dhimmi. Al-dhimmi, c'est le kafir qui vit avec les musulmans, lakin il a un aqd ma'a wali al-amr. Comme ici, maintenant, les ambassadeurs, les touristes, il a akhiré, on n'a pas le droit de leur faire du mal, on n'a pas le droit de yadam billah, les attaquer, les insulter, il a akhiré. Les madani, ils sont donc rentrés via dit dawla, bi'ahd, avec wali al-amr, ils sont rentrés avec des papiers, ils ont une chose à faire, thumma, ils partent. Alors, ceux qui vivent ici, ils ont leur hukm. L'imam al-Qarafi, rahimahullah, il cite al-farq entre hada al-naw' et le naw', maintenant, qui sont cités dans d'autres adillas, ou avec les parents et avec autres que les parents. Il y a un farq azim. Il y a un farq azim. Maintenant, un kafir qui fait du mal à l'islam, qui attaque l'islam, il est arrêté. Est-ce que tu vas avoir le même comportement qu'avec ton père et il rejette pas l'islam, il t'écoute, il est arrêté? Tu n'auras pas le même comportement. Lakin, ça reste un kafir, un kafir. Enfin, il montre un al-ihsan ou al-birr. Et al-mu'amala at-tayyiba, le fait de bien se comporter ila akhiri, ça contredit en rien qawl Allah azza wa jall, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu. Lian ce verset c'est une qaida amma pour tous les kuffars. Tu peux pas trouver un musulman qui aime un kafir. Fa hadha c'est muhim. Vu qu'on vit une époque nas, ils ont un da'f fi al-ilm, ils ont un taqsir fi al-ilm, bal ba'dhum ils veulent pas apprendre et ils veulent pas revenir au kalam des savants, fa la yafhamu. Quand ils entendent Wahad, ils disent notre din, ils montrent clairement qu'on doit détester les koufars. Pourquoi? Parce que c'est des koufars. Ils comprennent directement tout ce qu'ils voient à la télé, les attentats, les tueries, il a akhiré. Ça n'a rien à voir. On déteste les koufars et on n'a jamais fait de mal à un kafir. Donc, ayn al-ishkal. Lakin l'ignorance, ayyadam billah. Fahada, c'est très très important. Et al-hafid, al-imam, ibn al-qayyim, rahimahullah, il a cité hada, bi-ikhtisar, fi. Ahkam Ahl al-Dhimma. Ce livre, il est très très important dans ce sujet. Ahkam Ahl al-Dhimma. Comment se comporter avec les kuffars, mas'alat mu'alat al-kuffar, que ce soit avec les parents, que ce soit avec Ahl al-Dhimma, il a akhiré. C'est une référence. Ahkam Ahl al-Dhimma. Nous, on va lire ensemble, min bada'i' al-tafsir. Ils ont rapporté le kalam de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Fa'inda qawlihi la yanhaakum Allah. عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم الى اخره. Le verset on l'a lu plusieurs fois. قال رحمه الله فان الله سبحانه لما نهى في اول السوره عن اتخاذ المسلمين الكافرين اولياء وقطع الموده بينهم وبينهم. Vous vous rappelez le début de sourate al-mumtahina. وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء. Le fait de suivre Ibrahim الى اخره. Allah سبحانه وتعالى au début de la sourate il a cité le verset qu'on vient de citer, Birtisar, on doit détester le kuffar. Entre nous et eux, l'animosité, la haine et la akhir. Thumma, le huitième verset, juste après, quelques versets après, قال عز وجل, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم إلى آخره. قال ابن القيم رحمه الله, فإن الله سبحانه وتعالى لما نهى في أول السورة عن اتخاذ المسلمين, عن اتخاذ المسلمين الكفار أولياء, وقطع المودة بينهم وبينهم, توهم بعضهم أن birrahum wal ihsan ilayhim min al muwalati wa al mawadda. C'est une des causes, une des principales causes, en nas ils n'arrivent pas à comprendre ces masail. Et iyadan billah, certains ils s'écartent. Ils ont compris min hada la yanhaakum Allah, ay que il y a pas de mal à aimer al kuffar. Ils ont oublié le début de la sourate. Et ça nous montre en min al tawfiq. Et pour comprendre ce din, tu dois rassembler tous les versets. Enfin, on a deux extrêmes à cause de cette mauvaise compréhension qui est due à l'ignorance et à l'insan, il ne veut pas apprendre. Tu as l'extrême de l'islam de France, la tolérance, il faut unifier les religions, on a le droit d'aimer les kuffars. Ils se sont égarés, ils ont pris ce verset La yanhakum Allah ila akhirah. Et ils l'ont compris avec leur passion. Tu as un autre extrême qui pense que si tu as, مثلاً, un bon comportement avec tel kafir, ou tu ne lui fais pas du mal ila akhirah, c'est que tu l'as pris comme allié. C'est pour ça qu'ils rendent mécréants certains gouverneurs. Il y en a, les gouverneurs, ils ont des relations avec des gouvernements de Koufa, et eux, ils font aucune distinction. Ils disent là, ils sont alliés au Koufa. Le deuxième extrême, al-Khawarij, qui sont aujourd'hui Daesh, al-Qaïda, etc. Al-Qawl al-Wasat, le juste milieu, قال ibn al-Qayyim rahimahullah, توهم بعضهم أن برهم والإحسان إليهم من الموالاة والمودة فبين الله سبحانه وتعالى أن ذلك ليس من الموالاة المنهي عنها وأنه لم ينهى عن ذلك بل هو الإحسان الذي يحبه ويرضاه وكتبه على كل شيء وإنما المنهي عنه تولي الكفار والإلقاء إليهم بالمودة إلى تغيزهم أي on a le droit d'avoir l'ihsan خاصة avec cette catégorie لا ينهاكم عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. Comme la plupart des kuffars hein, que tu croises dans la rue, ils n'attaquent pas d'in directement, il a akhiri, ils te laissent faire ce que tu veux, et anta fi halik, fa'ha'ula la yanhak Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir un bon comportement, al-ihsan. Lihada, un nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a visité al-yahoudi. C'est min hada al-bab. Et nahnu hada al-ihsan, c'est min bab mada, c'est min bab al-da'wa. Que ce soit avec celui qui a des parents kuffar, ou des proches kuffar, ou un voisin, ou même un kafir dans la rue, et il sent qu'il l'écoute, et yuhsin ilay. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avec le kalam. Il va te dire bonjour, tu vas lui répéter bonjour. Matalan, il a son enfant avec lui, tu vas lui demander est-ce que ton enfant il va bien. Tout ça, c'est pas minal mu'ala. Celui qui pense que c'est minal mu'ala, il connaît pas son din. Ma'a hadha, qala wa innama al-manhi 'an tawalli al-kuffar. Est-ce que si ce kafir, du jour au lendemain, il attaque les musulmans, on va le soutenir? Abadan. Qawluhu wa ilqa ilayhim bil mawadda. Est-ce que si on lui dit bonjour et on lui demande sur son enfant, ou on parle de travail, est-ce que ça veut dire qu'on l'aime? Abadan. On le déteste. Pourquoi? Parce que c'est un kafir. Lakin ihsan, c'est un comportement. Enfin, ne pas mélanger entre le comportement et la aqida qu'on a. Hada, c'est muhim. Et ce bon comportement, on le répète, qadirul qa'il, mais si on les déteste, pourquoi on a un bon comportement? Bab da'wa. Pas parce qu'on a peur d'eux, pas parce qu'on espère de leur argent. Abadan. Min bab da'wa. Combien de kuffars, ils sont rentrés vers l'islam et la cause, c'était le bon comportement. Limada? Lian al-kafir, il ne connaît pas où le Coran ou le Sunnah. Un kafir, tu vas lui dire, قال الله عز وجل وقال الرسول, Aslan, il ne croit pas. Il ne va pas t'écouter. Mais ce qui le touche, c'est le bon comportement. Fali hada, un nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a visité le juif. Quand il a visité le juif, il a été touché, limada, li anna, c'est mbab l'ihsan. Fata'amal anta, le juif, il est dans une grave maladie, la maladie de sa mort. Un nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui rend visite. La chèque que ça touche. N'importe quel être humain, il sera touché. Khazadan avec le kalam al-tayyib. Il est touché, c'est un être humain. Thumma an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala lahu témoigne. Ishhad an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé son père. Il était jeune, il a regardé son père. Son père, un yahoudi, lui a dit atti' Abul Qasim. Écoute Abul Qasim. Écoute-le. Il t'a dit témoigne, témoigne. Limada? Li'annahum ils ont été touchés. Min hadha al-ihsan. Hadha ar-rajul aslama et après mat. Alhamdulillah, c'est devenu un musulman. Donc vous avez vu Al-Mu'amala, comment elle est? Lakin Ba'dannas, ils mélangent tout. Im, un extrême, Iyadam Billah, ils tombent dans l'extrémisme, dans la dureté, sahab les attentats, il a akhri. Im, un autre extrême, qui est aussi condamnable. On vit à une époque, tout le monde condamne les Khawarij. Le Sunnah, c'est le premier à les condamner. Lakin, Wallahi, les autres, qu'est-ce qu'ils sont condamnables? Allah, on est tous des frères, il ne faut pas se détester. Abadan. Là. C'est pour ça que Ba'adouhoum, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Et quand tu lui expliques, celui qui a un cœur, Rubbama, il comprend. C'est pour ça que tu trouves l'un dans tous les débats qu'ils font. Ils ont beaucoup de débats sur le voile, sur Kada, que ce soit à la télé, dans les journaux, ou sur Internet, entre eux. Les musulmans, à cause de leur ignorance, ils essaient de défendre l'islam. Ils disent, Nathalan, notre religion, c'est une religion de paix, de tolérance. Il a akhrif. Tous ces mots, ils sont ambigus. Paix, tolérance, tolérance avec qui? C'est quoi la paix? Mouhim. Eux, ils disent pour que le kafir, il accepte la religion. Thumma le kafir, il lui dit, mais j'ai une question. Et il lui cite le verset. Ya ayyuha alladhina amanu, la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya. La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Il lui cite ce verset, le kafir. Mais Allah, il appelle à nous détester. Le musulman, il ne sait plus quoi dire. Imma, iyadan billah, il s'égare gravement, il dit là, c'est pas comme ça, il a akhiri, c'est grave. Imma, il est bloqué et il sait plus quoi dire. Imma, il saurait comment parler, il connaîtrait son dîn, il saurait que les versets, ils se contredisent pas. Notre dîn, il appelle pas à la tolérance, à la fraternité totale. Abadan, on tolère l'iman et on aime nos frères croyants. Et notre dîn, il nous appelle pas à l'injustice. Si on déteste, on doit faire du mal. Là, là. Nous, on fait pas de mal, on n'est pas injuste. Là, on a une croyance claire. Vous, vous avez une croyance, c'est la démocratie. Il faut se respecter, il faut tolérer tout le monde. Il a akhiri. Nous, on a une croyance, c'est l'islam. C'est fondé sur le Coran ou le Sunna. On doit aimer que les croyants. Fahada. Autre chose, pour conclure, on peut le citer dans le verset suivant. قال الآية التاسعة قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. Ce verset c'est un أصل. هذه الآية والله الحمد لله معروفة. قال الإمام البغوي رحمه الله أخبر أي الله سبحانه وتعالى أن إيمان المؤمنين يفسد بمودة الكفار وأن من كان مؤمنا لا يوالي من كفر وإن كان من عشيرته. C'est un أصل dans notre dîn. أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن celui qui aime الكفار فإيمانه يفسد. هذا فيه تفصيل. On va lire, أولا, on continue de lire, on fera le تفصيل من كلام شيخ بن باز رحمه الله. وقال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يوجد مؤمن يواد كافرا فمن واد الكفار فليس بمؤمن. المودة هي المحبة. نعم. فليس فمن واد أي من أحب من أحب الكفار فليس بمؤمن. فشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه ils lui ont demandé sur le حكم d'aimer un كافر فقال رحمه الله وأما إذا أحبهم لدينهم ولأخلاقهم ولما هم عليه ويفضلهم على المسلمين ويرى أنه على هدى أي سكافر أنه il l'aime pour son dîn, بل il le fait passer avant les musulmans et il pense que ce qui suit c'est le haq ila akhirah. قال فهذا ردة ظاهرة. Le kalam il est مختصر. ردة ظاهرة وكفر ظاهر. هذا c'est de la grande mécréance, ça fait sortir de l'islam. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. Si هذه المودة السكافر par rapport à son dîn et يصحح دينه ويقبل دينه, il appelle à accepter son dîn comme il est, فهذا لا شك que c'est de la grande mécréance, ça fait sortir de l'islam. قال أما إن أحب قوما حبا خاصا لأنهم أعطوه كذا ولأنهم قرابات أي بينهم قرابات يحبهم لقرابتهم لا لدينهم فهذه معصية كبيرة. أما si les aime pour الدنيا, بعض الناس ils sont comme ça, il aime ce kafir, pourquoi? Parce qu'il le fait travailler ou parce qu'il lui a donné telle chose ou parce qu'il espère de lui une chose. لكن هو son دين, il sait que c'est un kafir et هو la mu'amala qu'il a avec lui c'est que dans الدنيا, فهذا c'est grave, c'est une kabira, ça ne fait pas sortir de l'islam. لماذا لأن محبة الكفر c'est ça qui annule le tawhid. أما si واحد il aime ce kafir pas pour son kufr, il l'aime مثلا parce qu'il a une relation avec lui, ça arrive مثلا avec le sport ou dans le travail. Lakin, si tu le dis, il dit là, là son dîn, j'accepte pas, c'est un Yahoudi, c'est un Nasrani. Lakin, j'ai une relation avec lui professionnelle ou autre. Ah, là, c'est très très grave. Ça ne fait pas sortir de l'islam, c'est une kabira. Lakin, iyadan billah, c'est une tariqa, c'est un bab, c'est une porte ouverte. Rabbama pour eux. Lianna al-insan, s'il prend haoula comme ami, yusaddiquhum, et yakul ma'a. Rabbama, un jour, ils vont dialoguer par rapport au dîn, et il va dire. Je respecte tes convictions. Il a akhiri. Un jour, il va plus loin. Hatta la yakfur bihadati. Et là, ayyadan billah, c'est bab al-ridda. Naam. Ou l'annahum qarabat, yuhibbuhum li qarabatihim. Al-ulama, il cite hada fi bab al-mubah, al-mahabba al-tabi'iyya, taqaddamat ma'ana fi kitab tawhid. Et on avait, je ne sais plus si on avait lu kalam Cheikh le Fawzan, lakin on le lit huna. Et al-dalil, c'est qawlullah azza wa jal, innaka la tahdi man ahbabt. إنك لا تهدي من أحببت. المراد هنا c'était l'oncle du prophète عليه الصلاة والسلام أبو طالب qui est mort على الكفر, c'est un كافر. مع هذا قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت. بعض العلماء قالوا أن قوله من أحببت أي من أحببت هدايته, هذا تقدم معنا. بعض العلماء يزعمون أن قول الله عز وجل من محببت أي tu ne guides pas celui que tu aimes et celui que tu aimerais guider. Donc al mahabba c'est de la guider. Allah ou le prophète صلى الله عليه وسلم il aurait aimé guider son oncle, il n'aimait pas son oncle. وبعض العلماء قالوا من أحببت أي c'était son oncle. C'était son oncle. فلهذا قال الشيخ الفوزان من أحببت من أقاربك وعمك والمراد بالمحبة هنا المحبة الطبيعية ليست المحبة الدينية فالمحبة الدينية لا تجوز للمشرك c'est cela qui fait sortir de l'islam celui qui l'aime parce que maintenant c'est un chrétien parce que c'est un juif et respecte et tolère et ce respect cette tolérance ça pousse à aimer et à ne pas le rendre mécréant فهذا لا شك que c'est du kufr قال ولو كان أقرب الناس même si c'est أقرب الناس فلهذا شيخ الفوزان il a cité le verset que Shirtu Ijri l'a cité لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله فنفي الإيمان هنا أي أنه لا بد إيمان سان كافر si les aiment pour leur dîn أما si l'aiment pour quelque chose de dunya on a dit c'est grave c'est une marcia une kabira c'est un grand péché بقي le troisième cas قال فالمودة الدينية لا تجوز أما الحب الطبيعي فهذا لا يدخل في الأمور الدينية هذا c'est الحب الطبيعي c'est quelque chose de طبيعي c'est quelque chose de naturel الإنسان مثلا il aime ses parents même ses découvrants pas parce que ils ont choisi de ne pas accepter l'islam ou parce que c'est des juifs et des chrétiens là ils les aiment les malades c'est ses parents ils ont un haq هذه المحبة المحبة الطبيعية elle est مباحة c'est naturel الإنسان الحقيقة لا يتحكم في هذا فهذه on la laisse على حكمها الإباحة c'est ça القول الصحيح على كل حال on a trois catégories الآن في محبة الكفار la première elle fait sortir de l'islam شرك أكبر celui qui aime un kafir pour son din comme il aime un mu'min et cet amour il l'empêchera de dire que ce kafir c'est un kafir et il va le prendre Obama comme allié هذا ça fait sortir de l'islam deuxième cas c'est un grand péché il aime ce kafir il a un lien avec lui par rapport avec le sport مثلاً, ou le travail la akhirah lakin il sait très bien que c'est un kafir et il sait qu'il est à la batil lakin il a un lien de dunya c'est un grand péché troisièmement il aime ce kafir les qarabah il y a un sabab contrairement aux deux premiers cas il n'y a pas de sabab pourquoi l'aimer même si tu travailles avec lui il n'y a pas de raison de l'aimer tu travailles avec lui c'est dans le domaine professionnel et tu le détestes fillah azza wa jal troisième cas il y a un sabab al-qarabah fa fi hadha al-hal si c'est une mahabba par rapport à cette qarabah faqat c'est pas lié au din fa hadha c'est mubah, c'est permis. Wallahu ta'ala a'lam. On finit al-kalam, qala, thumma, atnallahu tabaraka wa ta'ala ala alladhina yusarimun a'da'ah. Al-musarama, on avait dit, c'était le muqata'ah. Aïe, le fait de couper les liens ma'ahum. Wa yataqarrabuna ilayhi bi bughdihim wa mubayanatihim wa athbata lahum al-iman wa at-ta'yid minh wa wa'adahum al-thawab al-jazil fi ad-dar al-akhirah ma'a ar-ridha 'anhum fa qala ta'ala ulaika كتب الله أو أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون يا أجر عظيم بعض الناس ils ont du mal الآن vous avez remarqué qu'on vit à une époque أن بعض الناس ils ont du mal à dire le mot kafir mécréant ils ont du mal il peut pas dire أنه يدتس لكفار مع أن يا أجر عظيم et c'est عقيدة المؤمنين Et c'est aqidat al-mu'minin. Normalement, on doit être fier de cette aqidah. On doit l'enseigner à nos enfants. On doit lire ce genre de livre. Lakin, cette aqidah, tu auras beaucoup de mal à l'enseigner, à l'apprendre, à l'appliquer, si tu vis au milieu de ha'oula, des ennemis de l'islam. Vivre avec eux, robbama, c'est eux qui te donnent. Thumma, tu lui dis, je te déteste. Ça va être très très difficile. Ils emmènent leurs enfants au nek. Robama, leurs enfants, ils profitent des aides des koufars. Thumma, tu enseignes à cet enfant qu'il faut les détester. Là, chaque, ça peut être compliqué. Lihada, vivre dans un pays musulman, wallahi alhamd, tu n'es pas confronté à tous ces obstacles. Wallahi alhamd. Et tu trouves les musulmans, wallahi alhamd, kathir minhum, ils détestent les koufars. Wa man ta'athara avec ces choubahs al-an, fa nassa Allah subhanahu wa ta'ala an yahdih. Qala wa qad awrada ibn kathir, inda tafsir hadhihi al-aya. ما رواه نعيم بن حمد قال حدثنا محمد بن الثور عن يونس بن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل لفاجر ولا لفاسق عندي يدا ولا نعمة فيوده أي يحبه قلبي فإني وجدت فيما أوحيته إلي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله هذا تفسير ابن كثير. Et la prochaine fois, inshallah, on regardera le hukm de ce hadith. نعيم بن حماد فيه ضعف. إمام في السنة لكن في حفظه dans sa mémorisation العلماء ضعفوا. فسي يكتب cette chaîne de transmission فالحديث فيه ضعف par rapport à نعيم. Et les autres, il faudrait voir. فالله تعالى أعلم. Et inshallah, le prochain dars, on continuera le 10e verset. On insiste au début, on est obligé de citer les quyud. C'est pour ça que ça prend un peu de temps. On est obligé de citer kalam ahl al-ilm pour préciser certaines choses. Le Cheikh Hamoud, rahimahullah, il ne peut pas tout détailler. Son but, c'était l'ikhtisar. Il cite des choses et à notre époque, nahnu, on a besoin de préciser certaines choses. Et là, quand on aura fini ces versets, al-haqiqa, ces versets dans cette risala, c'est des qawa'id pour toi. C'est des bases pour comprendre ce sujet. Bon, le reste, inshallah, ça sera beaucoup plus simple. Hayyakumullah. Naktafi bihada. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك